Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulé « Urgence, un décret assassin ». J'ai repris ce titre d'un tract de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Voilà, cette coordination nationale d'ailleurs est présidée, parmi l'un de ses responsables, il y a M. Michel-Anthony Delure, que nous avions reçu récemment, et puis bien sûr, l'association ADEMAT qui localement fait partie de cette coordination nationale, adhérer à cette coordination nationale, parce que, bien sûr, les problèmes que connaissent aujourd'hui l'hôpital et la maternité de Remiremont ne sont pas exclusifs à Remiremont, à notre région des Hauts-de-Vosges. C'est partout en France, et surtout dans les milieux ruraux, dans les milieux montagnards, que des services complets d'hôpitaux, et des hôpitaux ferment, des urgences ne sont plus assurées 24 heures sur 24, des maternités ferment, bon, etc., etc. Alors, pourquoi ce titre, un décret assassin? Parce que le gouvernement vient de modifier par décret l'organisation des urgences. Quand on parle d'urgence hospitalière, je crois que c'est un sujet extrêmement sérieux. C'est un décret numéro, parce qu'il faut citer quand même la référence, numéro 2018-427 du 31 mai 2018. C'est tout récent. Ça a pratiquement passé inaperçu, bien sûr, puisque la plupart des médias négligent ce type d'information. Pourquoi ? Ben, on peut se poser la question. Ce décret donc modifie l'article D6124-11 du Code de la santé publique relatif à l'organisation de lignes de garde communes, de lignes de garde communes entre structures des urgences et structures mobiles d'urgence et réanimation. On le voit quand même que, après ce qui s'est passé à Strasbourg récemment, c'est quand même le comble de voir ce type de décret. Parce qu'il prévoit de maintenir, dans certains services d'urgence, la présence 24 heures sur 24 d'un seul médecin urgentiste pour assurer l'accueil d'urgence dans les murs et les sorties SMUR, pendant la durée des départs en SMUR. Il sera fait appel à un médecin d'astreinte, qui ne sera pas forcément un urgentiste, pour venir assurer la continuité du service dans un délai non précisé, clairement par le décret. Autrement dit, on diminue la présence de médecins urgentistes aux urgences. Alors, pour faire des économies, parce qu'on manque de médecins, etc., etc., mais c'est surtout dans le but d'économiser. Et puis donc, tant pis pour les patients qui attendront encore plus de temps qu'aujourd'hui aux urgences, puisqu'on nous a cité des cas où des personnes âgées en particulier avaient attendu jusqu'à 12 heures aux urgences d'Épinal, sachant que c'était à Durkheim. Alors la coordination nationale rappelle que l'organisation de l'accueil des urgences doit répondre à la nécessité d'assurer à chaque habitant 24 heures sur 24 une prise en charge en moins de 30 minutes par moyen terrestre pour des personnels formés à l'urgence et ne saurait être tributaire d'un quelconque volume d'activité. Voilà, c'est ce que dit cette coordination. En sachant bien que si, par exemple, les urgences de nuit ne sont plus assurées à Remiremont, ce qui risque d'arriver un jour ou l'autre si on n'y prend pas garde, 30 minutes, qu'est-ce que ça représente pour un habitant de Bussan, de la Bresse ou de Gérardmer? Je vous le demande. La coordination se réjouit des réactions nombreuses et rapides des professionnels concernés, les AMUF urgentistes, les SN FAR, anesthésistes réanimateurs, CGT Santé. Elle dénonce par ailleurs la mise en œuvre par certaines agences régionales de santé de ce décret avant même sa publication. C'est-à-dire que c'était en quelque sorte, les agences régionales de santé n'ont plus tellement le souci de la santé de la population, elles ont surtout le souci de l'économie, à tel point qu'aujourd'hui, la France au niveau hôpitaux est classée en 15e position, alors qu'autrefois, la France était dans les premières, voire les toutes premières, voire la première question du système, bien sûr, hospitalier. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup régressé. Afin d'assurer partout l'égalité d'accès aux soins d'urgence aux habitants, la coordination nationale demande le maintien et la réouverture des services d'urgence sur les territoires pour garantir l'accès en 30 minutes. Bon, il y a à peu près, déjà aujourd'hui, 30 minutes pour se rendre à Remiremont, c'est déjà difficile, hein, surtout en période d'hiver. Alors que dire si, par exemple, les urgences ne sont plus assurées 24 heures sur 24 à Remiremont ? Le maintien de cette coordination nationale demande aussi le maintien dans chacun de ces services de deux lignes de garde, de médecins qualifiés pour les urgences du SMUR et des moyens techniques et humains qui lui sont réglementairement associés. Alors, pour exiger l'accès aux soins de toutes et tous, partout, la coordination nationale appelle au rassemblement le 23 juin à Paris, place de la République, à 12h. Et oui, c'est après-demain. Hein, on est déjà jeudi et c'est après-demain. 12h, en sachant bien que, bien sûr, les bus, les trains vont converger vers Paris. Et c'est rassemblement place de la République à partir de 12h, samedi 23 juin. C'est coordination nationale. Donc des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Et le siège social, c'est 1 rue Jean Moulin à Lure. Et nous avons reçu, je le disais encore à l'instant, récemment, donc, son président national, Michel Anthony. Voilà, puis pour tout renseignement, il y a un numéro de téléphone, 09 67 04 55 15. Voilà, en sachant bien que ben, c'est l'urgence. Les urgences et les établissements hospitaliers, la carte sanitaire aujourd'hui, c'est l'urgence des urgences. Hein, je crois que tout citoyen doit être absolument attentif à ce qui se passe, à cette régression énorme, hein, très importante, qui a lieu sur tout le territoire national, et puis bien sûr sur notre zone d'écoute de Remiremont et ses environs. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, en vous donnant rendez-vous, et pourquoi pas, samedi 23, hein, à Paris. Voilà, il y aura certainement beaucoup de monde, hein. Pas forcément du personnel hospitalier, ça sera beaucoup plus des citoyens qui commencent à craindre pour leur établissement hospitalier. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, et à jeudi prochain, si tout va bien.